Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le procès d'Adolf Eichmann. Les forces de sécurité israéliennes ont découvert très récemment l'un des plus grands criminels de guerre nazis, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann sera bientôt jugé en Israël selon la juridiction prévue à l'encontre des nazis et de leurs collaborateurs. Le premier ministre israélien David Ben-Gourion qui annonce le 5 juin 1960 la capture et la tenue prochaine du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Eichmann, c'est le logisticien derrière l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera donc jugé à Jérusalem pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Son procès en 1961 reste l'un des plus importants et des plus suivis du 20e siècle. Et parmi les centaines de journalistes qui couvriront ce procès, la philosophe Hannah Arendt qui va développer sa théorie controversée sur la banalité du mal au cours de ce procès. D'après vous, est-ce le procès d'un homme ou celui d'un régime? Bien, on ne fait pas le procès d'une philosophie, on ne fait pas le procès d'un régime à proprement parler, mais lorsque cette philosophie ou lorsque cette doctrine, en l'occurrence la doctrine raciste, a des effets comme le meurtre de millions de personnes, l'extermination d'un groupe ethnique ou d'un groupe religieux, je crois qu'à ce moment-là, indirectement, on fait le procès de cette doctrine. Dans le cas présent, je crois qu'on va faire le procès du racisme en même temps que le procès d'Eichmann. Ça veut dire que c'est un crime collectif, autant ses supérieurs que ses inférieurs, ou peut-être même tout le peuple allemand a contribué à cette extermination? Bien, nous sommes tous un peu coupables, je crois bien. Il y a une responsabilité collective, comme vous le dites. Mais Eichmann n'en reste pas moins celui qui était responsable de l'organisation de l'extermination. C'est lui qui était chef du bureau des affaires juives. C'est un crime symbolique, c'est un criminel symbolique aussi. Et je crois qu'on a découvert sûrement l'homme qui était le cerveau de toute l'organisation, donc le principal responsable. Jacques-Yvan Morin, professeur de droit international, qui deviendra plus tard ministre dans le gouvernement de René Lévesque. Jacques-Yvan Morin, donc, au micro de René Ferron à l'émission Carrefour en avril 1961, pour nous raconter l'histoire du procès d'Adolf Eichmann, la politologue à l'Université de Sherbrooke, Karine Prémont. Karine, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur l'importance de ce procès. Jacques-Yvan Morin l'évoque dans l'extrait qu'on vient d'entendre. En quoi ce procès Eichmann est-il si important? Ben, c'est un des premiers criminels de guerre nazie qu'on va traquer hors Europe, en fait, et qu'on va réussir à ramener à Jérusalem. Donc, son procès aura lieu en Israël. Alors, c'est une première, évidemment. Et c'est aussi, je vous dirais, une première parce que, justement, puisque le procès se passe en Israël, ben, c'est la première fois qu'un criminel de guerre nazie va devoir répondre de ses crimes devant ses victimes, en fait, devant le peuple qui l'a contribué à exterminer. Et il y aura, évidemment, un retentissement médiatique très important. Et c'est la première fois aussi que on va juger un homme seul, même si, dans l'extrait qu'on entendait, on disait qu'on jugeait un régime, qu'on mettait au banc d'accusés un régime complet. On l'avait déjà fait à Nuremberg aussi dans les années 45-46. Maintenant, on a un homme qui devra répondre de ses crimes devant ses victimes. Alors, c'est pour ça qu'à cet égard-là, on peut dire que c'est une primaire. Oui. Et toute la question de la responsabilité, d'ailleurs, qui sera... Oui, il y a le système qui était là, mais ce système, il est constitué d'hommes, Eichmann en l'occurrence. Ça, on y reviendra, mais ça sera au cœur de ce procès. Il y a tout un contexte aussi qui est intéressant. Vous dites, on l'attrape à l'extérieur de l'Europe. Eichmann, il s'est réfugié en Argentine. Parlez-nous un peu de la façon dont on l'attrape, mais aussi de ce contexte dans lequel survient ce procès. Bien, c'est-à-dire que tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, très rapidement, des organisations, des individus, des groupes se sont mis à traquer les criminels de guerre nazis un peu partout à travers le monde. On pense notamment au Mossad, bien sûr, les services secrets israéliens qui se sont mis à la tâche là, dès leur création en 1949. On se rappelle qu'Israël a été créé en 48. Il y a aussi certains bureaux d'enquête spéciale au sein du département de la justice des États-Unis aussi qui se lançaient dans ce genre de traque-là. Mm-hmm. Mais aussi des anciennes victimes, par exemple Simon Wiesenthal notamment, qui est très connu et qui a mis sur pied un centre qui veillait à cette époque-là, notamment à à traquer les nazis. Donc, on en attrape plusieurs à l'extérieur de l'Europe. On peut penser à Klaus Barbie, notamment, qui avait été retrouvé lui aussi en Argentine dans les années 80, ramené en France. C'était le chef de la Gestapo à Lyon, évidemment. Donc, mais Eichmann, c'est le premier qu'on va traquer de cette façon-là. Il sera enlevé à Buenos Aires par le Mossad et sera envoyé à Jérusalem pour y subir son procès. Le procès va commencer en 1961, le 11 avril 61. D'abord, à quelle accusation fait-il face, Adolf Eichmann? Il fait face à quatre grandes catégories d'accusations. En fait, c'est 15 chefs d'accusation au total, mais qu'on peut regrouper en parlant de crimes de guerre, évidemment, de crimes contre l'humanité, mais de crimes contre le peuple juif, qui est une accusation qu'on peut faire en Israël pour des raisons évidentes, mais aussi d'appartenance à des organisations criminelles, parce que les SS ont été, la Gestapo ont été, et même le Parti nazi, en fait, ont été décrétés organisations criminelles à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, toutes ces accusations-là sont portées contre lui et on va voir que, effectivement, la preuve est accablante. Ça va durer 8 mois, ce procès, Karine Prémont. Ça se passe comment? Ben, ça se passe, en fait, de façon assez sécuritaire, je vous dirais, parce que Eichmann va être représenté par un avocat allemand. Il fera face à des juges israéliens et sera entouré d'une vingtaine de gardiens constamment, nuit et jour, pour éviter qu'il ne se suicide d'une part ou qu'il soit assassiné, évidemment. Donc, ça va aller jusqu'à goûter sa nourriture, par exemple. Ça va aller jusqu'à le faire assister au procès derrière des portes blindées. Ça va Il est dans une cage, littéralement, une cage de verre. Tout à fait, pour éviter qu'il n'ait de contact avec personne, mais aussi pour éviter les tentatives d'assassinat, évidemment. Et on va, bien sûr, s'assurer que les gardiens qui l'entourent n'ont pas eux-mêmes été victimes de l'Holocauste ni des membres de leur famille pour éviter, justement, qu'on ait ce désir de vengeance contre Eichmann. Alors, donc, et comme je le disais tantôt, c'est un procès qui sera très médiatisé. Il y a beaucoup de journalistes qui vont couvrir ça. Mais c'est un procès qui va faire la lumière, justement, sur le genre d'action que les individus mènent à l'intérieur d'un système qui est par ailleurs totalitaire. On va voir, justement, comment les individus réussissaient, finalement, à faire abstraction de ce système-là dans leur travail quotidien. Parler de la couverture journalistique, l'un de ceux à l'époque qui assistera au début de ce procès, c'est le journaliste à la presse, au journal La Presse, Fernand Beauregard. Il raconte ses premières impressions à René La Rochelle à l'émission Partage du matin en juillet 1961. Monsieur Fernand Beauregard, qu'est-ce qui vous a le plus frappé au début de ce procès à Eichmann lorsque vous étiez à Jérusalem? Mais c'était évidemment l'armée de journalistes qui s'est rendue de 45 pays du monde à ce petit immeuble de Bateham. Nous étions environ 500 au début du procès. Et après 2 semaines, je crois que le nombre avait atteint 550. C'était quelque chose de formidable. C'était le double de ce qu'il y avait eu au procès de Nuremberg. Et quand vous étiez là, quelle était l'attitude d'Eichmann? L'attitude d'Eichmann au tout début du procès, c'était une attitude que l'on conçoit bien chez un officier nazi. Quand on connaît leur rigidité et puis leur impassibilité. Il était là, tout simplement, froid comme un bloc de glace, et puis rien ne l'émouvait. On l'a fait se lever pendant 70 minutes, se tenir debout pendant le récit de l'acte d'accusation. Il n'a pas bougé d'un centimètre. Il avait les yeux fixés sur le président du tribunal qui lisait. Il se rassoyait comme un bloc de glace, et puis il ne bougeait pas. Il était impassible, tout à fait impassible. Et est-ce que vous avez pu prendre contact avec la population et savoir comment elle réagit à ce procès? Il y a diverses réactions en Israël au procès Eichmann. Il y a des réactions, il y a des gens qui trouvent que Israël a fait un trop grand spectacle de ce procès. Ça, c'est surtout chez la vieille génération, chez les survivants de l'Europe centrale qui sont venus faire la population d'Israël. On dit qu'on aurait dû tout simplement lui faire un procès sommaire et puis l'exécuter et s'en débarrasser. Il y a l'autre réaction des jeunes, de la jeune génération de Sabra, se disent trop occupés par leurs études, le travail qu'on leur impose, pour pouvoir se préoccuper de ce procès-là. C'est une vision d'horreur, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, on aurait pu très bien s'en dispenser. Beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre, Karine Prémont. Un mot d'abord sur, on y revient, sur l'ampleur de la couverture médiatique. Ce procès-là va vraiment être très suivi. Très suivi, en fait, notamment parce que c'est un procès qui va être presque entièrement filmé. On parle d'environ 250 heures de matériel qui est filmé. On parle aussi d'à peu près 6 heures quotidiennes de films que les réalisateurs vont monter ensuite en une heure plutôt compacte. Et à tous les jours, on va envoyer cette heure-là un peu partout dans les grandes capitales américaines et européennes. Et les studios de télévision vont choisir, en fait, des extraits qu'ils diffuseront assez régulièrement à la télévision. Alors, c'est un procès qui a quand même cette ampleur affaires-là. Ouais. On utilise la nouvelle technologie de la télévision, justement, pour donner un grand retentissement à ce procès-là, parce que c'était une des intentions de David Ben-Gourion, justement, de donner de la visibilité, d'éveiller l'opinion publique internationale. Alors, on utilise la télévision. Et donc, le procès est filmé avec des caméras de télévision, alors que Nuremberg avait été filmé avec des caméras plus cinématographiques, parce qu'on voulait en faire un document d'archives. Ouais. Et d'ailleurs, les procès qui vont suivre ceux d'Eichmann aussi seront tournés pour des fins d'archives. La particularité du procès Eichmann, c'est qu'il est tourné pour la télévision. Et les réalisateurs vont avoir toute liberté, c'est-à-dire qu'on va y retrouver des choses un peu incongrues aujourd'hui, c'est-à-dire notamment des gros plans, des effets dramatiques, on filme la réaction des juges. Donc, ensuite, on va interdire ce genre de procédé-là dans les prochains procès, justement pour éviter d'accentuer là, l'aspect dramatique. Donc, tout ça va intéresser effectivement beaucoup de gens. Et c'est pour ça que ce procès-là est très suivi, d'autant plus que on était plutôt muet dans les années précédentes sur les atrocités nazies. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on apprend tout ce qui se passe, parce qu'on aura beaucoup de témoins directs là, qui vont venir à ce procès-là pour expliquer ce qu'ils ont vécu. Et comment Eichmann se débrouille? Le journaliste en parlait également de l'attitude, de la grande froideur au début, en tout cas, d'Eichmann. Comment il se comporte, Eichmann, durant ce procès? Ben, effectivement, il est très froid, il est très impassible, mais quand on lui pose des questions, il répond très librement, il répond beaucoup, il explique en détail. Bon, certains historiens analysent un peu cette réponse-là, en fait, en disant ben, probablement qu'il a voulu se montrer comme un peu plus important qu'il ne l'était. Certains disent ben il voulait incarner le symbole du régime, il voulait être le symbole du régime nazi. Il sait qu'il est cuit, je pense. Il sait qu'il est cuit de toute façon. Ouais. Je pense pas qu'il s'imagine avoir des chances de gagner un procès en Israël. Ouais. Il s'est pas caché pour rien. De toute façon, il se doutait bien de ce qui pouvait lui arriver. Et en fait, il plaide le devoir d'obéissance. Lui, sa défense, c'est ça. Je n'avais pas le choix d'obéir aux ordres, sinon c'est moi qu'on tuait. Alors, on se pose pas de questions à ce moment-là. On obéit, puis c'est tout. On est dans une logique d'obéissance, dans une logique militaire. Et c'est ça ma défense, et c'est tout. Et ça va vraiment être central, le débat autour de sa responsabilité, encore une fois. Puis on va y revenir, entre autres, avec Hannah Arendt dans quelques minutes. Mais l'intérêt du procès, puis vous l'avez soulevé, Karine Prémont, de ce procès avec Mann, c'est aussi qu'il y a le témoignage de victimes dans son procès. Il y a des victimes dans la salle, mais il y a des victimes qui vont venir témoigner au cours de ce procès, qui témoigne de cette machine à exterminer les Juifs. Il va être confronté, Eichmann, à ses victimes au cours de son procès. On écoute là-dessus le journaliste judiciaire français Frédéric Potécher à l'émission Le troisième quart de siècle en 1976. La thèse de Eichmann, c'était « Moi, je n'ai fait que d'obéir aux ordres ». Naturellement, cette thèse a été vivement combattue par le procureur Hausner et les audiences ont donné d'ailleurs prise à des témoignages absolument épouvantables. Nous avons entendu une centaine de témoins qui ont rapporté ce qu'ils avaient vu dans des camps de concentration. Et certains de ces témoins qui avaient vu Eichmann se promener dans des camps de concentration, on l'avait vu à Auschwitz. Il y a un rapport d'Eichmann qui dit qu'à Auschwitz, tout va bien. La capacité des fours est actuellement, je cite mot à mot, de 10 000 par jour. C'est un procès qui a une grande signification. Ça a été, si vous voulez, une sorte de liquidation de la guerre de 39 à 45. Ça a été aussi une des premières applications de la loi, non pas seulement sur les criminels de guerre, mais sur les criminels contre l'humanité. Et à ce point de vue, le génocide a été absolument démontré. Et c'est ce qui a fait l'intérêt très particulier du procès d'Eichmann. Donc, le procès d'un homme, le procès d'Adolf Eichmann, mais aussi, Karine Prémont, on l'entend bien dans cet extrait, le procès d'une machine, cette machine à exterminer, cette machine nazie à exterminer les Juifs. Mais malgré tout, au cœur de tout ça, cette volonté de faire le départage, il y a une machine, on le voit bien, on fait le procès de cette machine génocidaire, mais il y a la responsabilité de chacun, de ceux qui y ont participé, la responsabilité d'Adolf Eichmann. Et c'est ça qui est fascinant, parce que ce procès-là va permettre une réflexion philosophique, je dirais, à plus grande échelle, justement sur la responsabilité et sur justement, dans un système totalitaire comme celui-là, et on pourra parler d'Anna Arendt tantôt parce que c'est elle qui va soulever cette réflexion-là, mais c'est de voir, bon, mais maintenant qu'on a un système totalitaire, est-ce que ça enlève la responsabilité des individus? Est-ce que ça fait en sorte que les individus n'ont plus de responsabilité, ne sont plus complices de crimes, ne sont plus responsables de rien? Et puis, au fond aussi, par rapport à Eichmann lui-même, qui est-il? C'est la question en filigrane. Est-ce que c'est vraiment l'architecte ou enfin le logisticien de cette machine à exterminer les Juifs? Est-ce que c'est un petit fonctionnaire? Mais il y a ça aussi qu'on veut creuser. Quel poids il a vraiment, cet homme, dans cette machination? Oui, parce que, en fait, on essaie de décomplexifier ce système nazi-là pour déterminer un peu la hiérarchie de tous ces artisans, si je puis dire. Et Eichmann, en fait, on découvre que c'est un fonctionnaire de second rang, c'est pas un des proches d'Hitler, c'est pas quelqu'un qui est très important en termes de leadership du parti, mais on se rend compte que chaque fonctionnaire dans ce système-là, aussi peu significatif qu'il soit en termes hiérarchiques, a cette responsabilité. C'est pour ça que cette machine-là était si horrible. C'est parce que chacun faisait son boulot de façon un peu indépendante et contribuait, en fait, parfois, avec beaucoup d'ambition, Eichmann. Avec beaucoup d'enthousiasme et d'ambition, effectivement. Et c'est ce qu'on découvre avec Eichmann. On découvre, en fait, cette volonté de vouloir en faire plus, de vouloir être efficace, de vouloir, on l'entend dans l'extrait, c'est tout à fait horrible à entendre. On réussit à en tuer de plus en plus. Ouais. Notre système fonctionne. Et c'est ça qu'on découvre avec le procès Eichmann, c'est de voir, justement, cette volonté de participer à ce régime-là, à cette extermination-là, sans se poser aucune question morale. Hast du die Zeitung noch nicht gelesen? Seite für Seite. Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen. Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. Musst du dir das wirklich antun? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Did you really have no idea there would be such a furious reaction? Trying to understand is not the same as forgiveness. Diesmal bist du zu weit gegangen. Extrait de la bande-annonce du film Anna Arendt, réalisé en 2013 par Margaret von Trotta. C'est en couvrant ce procès Eichmann qu'Anna Arendt va développer donc cette fameuse théorie de la banalité du mal. On va y revenir dans un instant, Karine Prémont. Mais d'abord, comment se retrouve-t-elle, Anna Arendt, à couvrir ce procès Eichmann à Jérusalem? Mais d'abord, disons qu'Anna Arendt est aux États-Unis depuis quelques années. Elle s'était exilée d'abord en France à partir de 1933. Elle est restée là presque 10 ans et ensuite a quitté pour les États-Unis. Philosophe allemande d'origine juive, bien sûr, important de le dire. Donc, elle quitte pour les États-Unis parce qu'évidemment, les turpitudes que connaît l'Europe à ce moment-là forcent beaucoup de gens à quitter. Et elle s'est intéressée, évidemment, à toute la question du totalitarisme. C'est pour ça qu'elle est connue, en fait, notamment pour un ouvrage qui s'appelle « Les origines du totalitarisme » qu'elle a publié aux États-Unis au début des années 50, en 1951, et qui sera traduit plus tard en France là, dans les années 70, mais elle est vraiment connue pour ça. Et donc, le New Yorker lui offre d'aller couvrir ce procès-là, et elle le fera pendant les 3 premières semaines, et elle publiera ensuite le compte-rendu de ces procès-là, sa réflexion dans une série de 5 articles dans le New Yorker. Évidemment, ce seront des textes qui seront critiqués, on pourra en discuter, mais pour elle, c'était important de comprendre, justement, quels étaient ces mécanismes humains, au-delà de la machine, au-delà du régime, quels étaient ces facteurs humains, autrement dit, derrière le nazisme. Puis elle va développer toute une réflexion, cette théorie de la banalité du mal, mais dans une dimension, une perspective plus immédiate. Elle est là, les 3 premières semaines du procès. Quelle lecture elle fait de ce qu'elle voit là, très concrètement en se rendant tous les matins au procès? Bien, en fait, elle est tout à fait consternée de découvrir que ces hommes-là qui participent à ce régime nazi sont tout à fait insignifiants, sont des gens tout à fait ordinaires. Elle s'attend à découvrir des monstres, elle s'attend à découvrir des êtres totalement machiavéliques. Puis elle rencontre des petits fonctionnaires insignifiants, pas particulièrement intelligents, pas spécialement charismatiques, qui ne font qu'obéir à des ordres. Alors, elle est un peu étonnée de ça, et c'est pour ça qu'elle va développer cette théorie de la banalité du mal en disant que finalement, le mal, ben, c'est pas une chose extraordinaire, c'est pas une chose qui est en dehors des êtres humains. tout le monde est capable de commettre ce genre d'atrocité-là pour peu qu'on leur enlève leur libre arbitre ou pour peu qu'on leur fasse croire, en fait, qu'ils n'ont pas cette responsabilité-là, que quelqu'un d'autre va l'assumer à leur place. Bon, elle va publier tout ça, elle va développer sa théorie, elle va publier une série d'articles dans le New Yorker, ça va créer la commotion. Oui. Elle va être très, très critiquée dans certains milieux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qui dérange tant et qui ça dérange dans ce qu'elle va dire? Ça dérange surtout, je vous dirais, des intellectuels américains et européens. La première chose qu'on va lui reprocher, peut-être la plus importante, c'est on va lui reprocher d'avoir dit que si les conseils juifs qui ont été forcés de collaborer d'une certaine façon là dans les camps de concentration, si les conseils juifs avaient refusé d'obéir aux nazis, il y aurait eu moins de morts. Donc ça, évidemment, ça fait un tollé. En même temps, est-ce que... Donc que les juifs auraient une forme eux-mêmes, donc... De responsabilité. Ouais. Mais en fait, ce qu'elle soulève, c'est cette idée de responsabilité morale. Pour les nazis, bien sûr, mais pas seulement. Pour les juifs aussi. Mm-hmm. Donc, et c'est ça qui va choquer, c'est ça qui va déranger. Une autre chose qu'on va lui reprocher, justement, c'est d'avoir eu l'air de déresponsabiliser les nazis en disant, ben finalement, le mal, bof, c'est de faire partie d'une machine et pour peu qu'on vous dise, vous pouvez faire ce que vous voulez, ben à ce moment-là, ça n'a plus de conséquences. Donc, on lui dit, ben de cette façon-là, tu déresponsabilises les criminels de guerre nazis. Et bien, évidemment, c'est pas ça qu'elle a voulu faire, mais c'est ça qu'on va interpréter. Elle va s'en défendre, en fait. Elle va s'en défendre assez vigoureusement en disant, mais écoutez, là, tout ce que je dis, c'est, il y a une machine qui est en fait tout un système, tout un régime qui vit dans la violence constante, dans la répression constante. Alors, à ce moment-là, les gestes génocidaires qui sont commis sont acceptés socialement d'une certaine façon. On ne se pose pas de questions sur la finalité de ces gestes-là parce qu'on vit dans un système qui est violent, qui est répressif. Ça n'empêche pas que chacun peut y exercer son libre arbitre, mais c'est plus difficile, effectivement. Et cette volonté, on l'entend dans la bande-annonce, dans l'extrait de la bande-annonce, au fond, elle veut comprendre, mais elle dit la compréhension et le pardon, c'est deux choses différentes. Elle ne pardonnera jamais aux criminels de la guerre nazie. Ouais. Elle ne va jamais justifier leurs actions. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il faut faire attention. Parce que si on qualifie ces êtres-là de monstrueux, c'est comme si on les sortait de la race humaine d'une certaine façon. Et donc, c'est comme si ça ne nous concernait plus. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces gens-là sont des humains et ils commettent des gestes comme êtres humains. Et aucun autre être humain, finalement, n'est à l'abri de ça. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Donc, si on les qualifie de machiavéliques, de monstrueux, de démoniaques, ben, c'est comme s'ils n'avaient pas de lien avec nous. Et c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Au final, Karine Prémont, quel impact aura eu ce procès Eichmann pour la suite des choses? Le procès Eichmann va surtout avoir pour effet de réveiller complètement l'opinion internationale sur la question de l'Holocauste. Parce qu'il faut dire que dans les années 50, on est davantage dans un processus de reconstruction en Europe et même en Amérique, en fait. On veut un peu mettre le couvercle sur la marmite, on veut étouffer tout ça. C'est une période sombre. Chacun essaie de rebâtir un peu à la fois son pays, son peuple et sa moralité d'une certaine façon. Mais là, ce procès-là, justement, va venir dire, attendez, là, on parle de millions de victimes. On parle de survivants, on parle de témoignages qui nous révèlent une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Et ça devient précieux, ça devient un devoir de mémoire maintenant de s'intéresser à ces témoignages-là, de les conserver, justement pour éviter une répétition. On est vraiment dans ce plus jamais, qui malheureusement n'aura pas été respecté très longtemps, parce que des génocides, il y en aura d'autres. Mais on est vraiment dans ce souci de conserver la mémoire. Et c'est à partir des années 60, même 70, où les premiers documentaires sur la Shoah vont être tournés, où vraiment là, on va se mettre à vouloir conserver précieusement ces témoignages-là et reconstituer ce qui s'est passé. Et où le lien plus direct entre ces camps d'extermination et la cible juive, le génocide juif, sera fait. Oui. Parce que dans un premier temps, on parlera des camps, mais on ne fera pas tout de suite l'association. Là, on va vraiment déterminer que les Juifs étaient la cible principale, étaient les victimes principales. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke, amie de l'émission, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.